Pásale, pásale. El rey mago, Free Time, el maravilloso. Shut up, man. Please, shut up, man. I said, shut up, man. Gauss, Kébé, Tête Fort, président des démoniacos, président Patrick Kamara, Yves Joli des Boucliers, Bonnie du son célèbre japonais, Malou des Bosquets. Nova, Tabeli Bonzenga, DJ Celestino, Champion Joli et Sona, Chuchu Luango. Olivier Massoudi. Sissimbi Christiana, quoi salosi assassa. Marie Rims, quoi firme. Ma Jacky Watunda, Anna Maïti, di Betty Kapamba, Pax Medina. Ma Pauline Nzongo. Bébé Sentongo. Alors ma soumi, Nana Dokula, Dani Koussier, qui Golden Boy, Zina Koussou, Rasmila, je suis le grand. El Mago, El Pichichi, The King Double, Tony Tyson encore et toujours for life. Mafina, Swiss, Mafina, Manix, Moussaka, Patrick, Zola, Huguette Mbabwa, Zé Bomboyo, Soule Matundu.